vient d'apprendre que Monsieur Eugène Bigeon a été nommé directeur général de l'EDF. C'est un exemple purement imaginaire, je le précise. Est-ce qu'on va dire de Monsieur Bigeon que c'est un homme du sérail? Peut-être, si ce monsieur Bigeon en question a toujours fait carrière au sein de l'EDF. Oui, c'est pour préciser que ce n'est pas une personnalité extérieure qu'on a nommée à ce poste important. Un homme du sérail, c'est donc une image qui est formée sur ce mot de sérail qui avait un tout autre sens au départ. Le sérail, c'était le palais du sultan à Constantinople. Et c'était un palais qui se trouvait sur le Bosphore, bien sûr, et qui s'appelait Saray Bouroumi. Vous voyez que je suis extrêmement savante, depuis peu d'ailleurs, et cela signifiait le palais du grand seigneur. Alors, il faut noter donc qu'au sens premier, le sérail désigne l'ensemble du palais et que, par la suite, il a pris un sens un petit peu plus restreint puisqu'il signifiait uniquement le lieu où étaient cantonnées les femmes, bien sûr. C'est un mot qui est devenu à la mode à une époque où tout ce qui venait d'Orient était tout à fait à la mode. Ça a commencé autour du XVIIe siècle. Et les Français ont trouvé tout à fait charmant que sérail soit le nom qui désignait la partie du palais où les femmes étaient enfermées. Oui, puis quelquefois on les enlevait. C'est ce qui a permis d'ailleurs à Mozart d'écrire un très bel opéra, L'enlèvement au sérail. Pour parler un petit peu trivialement, sérail a en gros aussi désigné le bordel, la maison close, l'auberge des plaisirs, pour être peut-être un tout petit peu plus raffiné. Auberge des plaisirs, voilà une expression qui m'enchante. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ce mot de sérail n'est pratiquement plus employé que dans le sens figuré qu'on citait en début d'émission. C'est un homme du sérail. Et pour cela, il a fallu que Racine passât par là. Nourri dans le sérail, j'en connais les détours. Voilà un merveilleux vers de Bajazet. Le sérail, pour Racine, c'était bien sûr non seulement l'endroit où se tenaient les femmes, mais surtout le lieu des intrigues, le lieu des secrets, le lieu où l'on fomentait, où il était question de poignard ou de poison. Mais au bout du poignard, attention, le pouvoir, il ne faut pas le négliger. Le harem, quant à lui, nous vient également de la réalité orientale, bien sûr. Au départ, il faut savoir que ce n'est pas un édifice à proprement parler, mais bien l'appartement qui était réservé aux femmes dans le palais du sultan. Et le sens littéral de ce mot harem, c'est simplement la chose sacrée, la chose réservée. On comprend donc que dans ces appartements des femmes, les hommes étaient absolument proscrits. Il y avait des eunuques, éventuellement le maître de maison pouvait y faire quelques apparitions, tout à fait souhaitées d'ailleurs, mais c'est tout. Il n'y a pas que les Turcs de l'ancien temps d'ailleurs qui puissent avoir un harem. Moi j'ai un très bon ami qui s'appelle Robert et il ne peut pas venir en vacances sans déplacer tout son harem. Vous comprenez bien qu'ici le sens est pris au figuré, il est employé aussi de manière assez plaisante et ironique pour signifier que cet ami en question est un don Juan, que c'est un homme à femme et qu'il aime les avoir toutes autour de lui au même moment. Terminons avec le mot de gynécée qui ne nous vient pas de la tradition musulmane et en particulier, mais qui vient de l'antiquité grecque. En effet, on peut rapprocher gynécée de gynécologue, par exemple. C'est-à-dire qu'on retrouve le radical de la femme en grec. G-Y-N-E. Et ce mot, bien que masculin, se termine par E-E, parce que c'est un mot d'origine grecque, comme le lycée, par exemple. Eh bien, le gynécée, c'était l'appartement des femmes dans les maisons grecques relativement aisées. Et quand on en parle maintenant en français du gynécée, ça ne désigne pas les femmes par rapport à un homme qui est leur amant ou leur mari, enfin qui les possède. C'est vraiment les femmes entre elles. Et si l'on dit de quelqu'un qu'il a été élevé dans un gynécée, cela voudra dire qu'il a été élevé, par exemple, par sa mère, ses deux tantes et ses deux grandes sœurs, c'est-à-dire dans un milieu exclusivement féminin. Ça, c'est le gynécée.